Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Sébé Gué fera un petit croche en studio pour parler de voitures dans PRNDS. Alexandra Carignan débarquera de sa limousine Glamour avec son segment Le temps de culture et on jasera de choses osées dans Kinky Sexy Time. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 25 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe. Aujourd'hui, à l'émission, on a quelque chose de spécial pour vous, les requins. Pour toi aussi, Jean-Philippe. Des ailes de poulet. J'imagine que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'il n'y arrive jamais. Ah, ben ça, c'est à toi de les amener. C'est toi le fan des ailes de poulet. Ben, je pensais partager. J'hésite là maintenant. Ah, j'avoue. Qu'est-ce que je pourrais amener? Si mettons toi t'as amené les ailes de poulet, moi qu'est-ce que j'aime beaucoup dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais amener? Tout ce qui se mange, tout ce qui se met dans la bouche, nuance. Oh ouais! Tout ce qui se met dans la bouche. Moi je pense que Dr Pepper et ailes de poulet, ça serait un duo gagnant. On a Dr Pepper parce Dr. que tu sais, je veux dire, après avoir mangé des ailes, on se sent pas bien. C'est ça. Ça nous prend un médecin. Quand t'as la réponse à tout. Pas besoin de se payer un docteur privé. On peut juste écouter l'assemblage. C'est ça. Suivez les conseils de Stéphanie Paradis. Donc non, aujourd'hui. De Jean-Philippe Charbonneau. Ah, excuse-moi, de Jean-Philippe Charbonneau. Lapsus. Parce que Stéphanie, on s'en sac, il n'y a pas ici. Et là, le mercredi et jeudi, c'est depuis le début du mois de janvier. Je suis pas capable de me faire l'idée. Bref, aujourd'hui, on a ce que j'ai de spécial, c'est les élections de l'RGQTR. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on en parle, qu'on repousse ça plus tard. Et là, c'est pas mal maintenant que ça se passe, sinon on ne pourra pas le faire. Donc, à 8h, on va recevoir 3 candidats pour les élections de l'RGQTR. On parle de Alex Brisebois-Proux au poste du VP aux affaires sociopolitiques. Audrey Cloutier à la vie associative et à l'environnement. Et finalement, Christian Junior-Bourdon aux finances et développement. On va les recevoir vers les 8h. Ensuite de ça, à 9h, Alexandra Carignan et sa collègue Le Temps de culture. On va parler bien évidemment d'art et spectacle. Oui, elle est là. Elle m'a reconfirmé qu'elle était là. Elle était pas supposée. Puis elle est là. Mais avant ça, on va débuter à 7h30 avec Jean-Samuel Gué et sa chronique PRNDS dans quelques instants. C'est ce qui s'en vient. On a aussi Kinky Sexy Time, notre chronique maison. Mais pour l'instant, on commence en musique. On s'en va entendre une nouvelle entrée de Candle sur le palmarès anglophone. C'est en position numéro 19 sur l'album In Flames. Voici Demon sur C'est fou. Bye. Candle, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'était Demon sur l'album In Flames à Assemblage requis. On va laisser encore un petit peu de temps à Jean-Samuel Guy d'arriver. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce du francophone encore. C'est Jambes de chien de Dog Wave. On s'en va entendre juste là. JP. Une bonne chanson, ça, JP. Hein, JP? Jambes de chien. Jambes de chien, ouais. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça me perturbe. Toi, si c'est pas une aile de poulet, une jambe de chien, ça se mange pas, donc on aime pas ça, c'est ça? Es-tu sûr de ça? Ah, peut-être en Asie, à quelque part. C'est sûr, en Asie. Petite sauce aux prunes. Ah, en passant, quand je dis en Asie, je parle pas d'allemand ici, là. Nazi. Le salut nazi. Je veux juste être sûr. J'ai perdu d'être un canard. C'était Dog Wave et Jambes de chien, Assemblage requis. Maintenant, Jean-Philippe, tu le mardi, on aime parler de choses osées. Oui. C'est comme ça, peut-être pas aussi tôt que ça, mais là, c'est vraiment très, très tôt pour de l'oser. Ah, il est jamais trop de bonheur. C'est ça. On est capable. On est des morning wood. On est des hommes. C'est ça, des hommes virils. On parle juste au sexe. Aux 7 secondes. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique où on parle de choses qui s'adressent à un public plus ou moins averti. Donc, cachez les enfants, cachez vos blondes, vos femmes. Cachez-les qui écoutent la radio en cachette. C'est ça, ben oui, c'est comme tout le monde va le faire. Après ça, vous allez avoir quelque chose en commun avec vos enfants. Si jamais ils l'écoutent à part, tu sais. On est dans un sujet de conversation, on parle par exemple de jouets sexuels en forme de scie. Hein? Le de scie, tu parles pas de la note de musique, là. Si, si, si, signor. En forme d'italien. D'italien, voilà. Ou l'espagnol, je sais plus, hein. Si. Me semble c'est italien, ça. Ah, en tout cas. Donc, c'est la Foxa. Très simple, on va le dire comme ça. On va même pas censurer parce que les gens ne comprennent pas l'anglais. Donc, la Foxa, c'est une scie qu'on tient dans sa main. Tu sais, des petites scies électriques, là, genre avec une gâchette. Là. Hein? Une petite scie. C'est une petite scie où il y a une lame au bout. Puis là, c'est comme une drill, mais avec une scie. OK. Je pensais que c'était pour trancher la dinde à Noël. Aussi, ça fonctionne pour ça aussi. En effet, j'ai déjà vu des gens s'en servir. Donc, c'est une reciprocating saw, qu'on appelle en anglais. Donc, c'est un objet sexuel, en fait, mais en forme de ça. Ça a la même puissance. Donc, en forme de quoi? C'est parce qu'on le voit pas à radio quand tu le dis, en forme de ça. En forme de cette scie à drill. OK, ça! Ce dont on parlait il y a 3 secondes, exact. Donc, c'est fait pour driller dans les orifices de l'homme et de la femme. Donc, par en avant ou par en arrière. Ça pèse 6,70 livres. Ça, c'est sans l'attachement. Le poids est sans l'attachement et la longueur aussi de 16 pouces et demi est aussi sans l'attachement dildophonique. Donc, la vitesse va entre 0 et 2500 SPM. SPM, c'est strokes per minute, donc des coups que ça va donner dans l'orifice. Étant donné que c'est un power tool, un outil de construction, plusieurs gens qui sont intéressés par l'idée d'utiliser ça ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur que c'était pas sécuritaire. Eh bien, détrompez-vous, c'est sécuritaire. Il faut dépenser 170$ environ pour acheter cette scie-là réciproque qui vous renvoie vos sentiments et votre plaisir. C'est non seulement très intéressant sexuellement, mais c'est aussi donc complètement sécuritaire. Disponible sur stockroom.com. Et c'est pas si dispendieux que ça. Ben non. Vous remarquerez que les trucs de luxe, là, c'est pas mal ça pareil. Et toi, étant un gars très viril de la construction, qui est très bon pour faire du do-it-yourself dans son garage, là, une scie normale réciproque comme ça, ce serait dans ces coins-là, j'imagine, à peu près aussi. Là. Tu connais ça, les outils? Là. Oui. Surtout la... Pas Head and Shoulder, la Black and Decker. Head and Shoulder. Oh, ça rime, c'est proche. Merci, Head and Shoulder. J'aime très beaucoup ça. On reste dans le domaine des objets sexuels. Pour ceux qui ont aimé les extraterrestres dans le film Avatar de James Cameron, on a déjà parlé en bref de cette nouvelle-là, mais je vous en reparle. Vous avez fantasmé sur ces célèbres extraterrestres bleus dans le film Avatar. Ben, tu sais. Évidemment. Donc, il y a une flashlight qui est faite juste pour vous. Oui, donc oui. Allons-y dans les détails. C'est essentiellement un long tube. On connaît les flashlights. Là. Ça ressemble à une lampe de poche, mais d'un côté, c'est l'intérieur. Ça éclaire pas tant que ça. Non, ça éclaire. Tu vois la lumière au bout du tunnel de 30 à ton but. Donc, pour le très faible prix de 78$, vous pouvez acheter l'emballage qui inclut une flashlight bleue et le film en 3D, The Saint Avatar 3X. Oh boy. L'emballage vient avec 2 paires de lunettes 3D pour que vous et un ami puissent partager ce film ensemble. Hein? Ah oui. Le nom des gens qui sont allumés par les extraterrestres, c'est les exophiles. Et les exophiles, ce sont, dans le fond, ils sont attirés sexuellement par les extraterrestres des films comme X-Files, Star Trek, Star Wars, etc. C'est ouais, non, exophiles. C'est ça, on s'entend. Là, il y a différents genres d'extraterrestres. Là, ouais. E.T., c'est un peu moins Jabba the Hutt, encore moins. Jabba the Hutt. Chez Pizza Hut, non? Ça, ouais, c'est ça, il a beaucoup trop mangé de chez Pizza Hut. Ça ressemble à ça, le buffet du midi. On reste dans Star Wars. On a déjà parlé encore une fois de cette nouvelle-là, mais tout le temps en bref, et là, je vous en parle plus en détail. Carrie Fisher, qui est reconnue pour son rôle de princesse Leia dans Star Wars, évidemment. Son costume, qui était une longue robe blanche, mais en dessous de sa robe, elle n'avait pas le droit de porter une brassière. Et selon Fisher, et c'est de ça qu'on avait déjà parlé, qu'elle s'était fait dire qu'il n'y avait pas de brassière dans l'espace, il n'y avait pas de lingerie fine, donc elle ne pouvait pas porter de brassière en dessous de sa robe. C'est ce que le réalisateur lui avait dit. C'est cave, ça. C'est un peu cave. Par contre, quand il y avait des scènes où elle devait courir, des assistants à la production devaient attacher ses seins avec du ruban collant. Pour pas que ça gigote, t'sais. Et pour continuer la blague du fait que ses seins étaient un petit peu exploités dans le film, Carrie Fisher prenait ça avec humour. Elle a donc photocopié ses seins. Elle a demandé à son ami Charlie, de passer ses seins à toute la distribution et toute l'équipe qui travaillait sur le film. Carrie. Ah, Carrie, hein, on peut pas soigner ça, hein, comme dirait Son dentiste, c'est ça. On peut pas soigner ça. Un voisinage d'un quartier en Ohio. Un homme aurait préféré ne pas habiter là. En fait, c'est un homme qui regrette son choix de maison parce qu'il habite Bellevue en Ohio et s'est fait attraper sur vidéo. Donc, il a été filmé en train de faire quelque chose d'inhabituel et de sexuel avec une table à pique-nique. Donc, Art Price Jr., 40 ans, qui a été accusé de ce crime-là, d'avoir commis des actes d'indécence en public parce qu'il était proche d'une école. L'école primaire. Il jouait avec les craques de la table. Il jouait avec les craques, les intérieurs de tuyaux et tout ça. Et donc, évidemment, ça aurait pu être vu par des mineurs. Il a été vu à 4 occasions différentes par les heures de 10h30 le matin et midi. Donc, sur une très courte période d'une heure, c'est une heure et demie. Donc, en train d'avoir des relations avec une table de pique-nique. Et ses voisins étaient étonnés que finalement, il n'a pas été arrêté. Price, normalement, aurait dû recevoir une contravention. Mais c'est ça. Puis il devrait être classé comme sexual offender, selon tout le monde. Donc, c'est ça. Ben, tu sais, peu importe ce que tu fais en public de ce genre-là, avec peu importe l'objet. Une table à pique-nique, sérieusement? Moi, je sais pas. Lui, les fourmis, le sable, les échardes dans la graine, ça... Peut-être qu'il aime ça. Peut-être que lui, s'il allait à Fort Boyard, ça serait excité tout le long, tu sais. Avec des insectes qui montent sur le corps. Haut le cœur. Ouais, à cause de Dave Morissette, surtout. Non. Guillaume Le Métivier. Guillaume Le Métivier. On parle d'un autre désexcès un petit peu mental. Edwin Tuberta, 32 ans, qui lui aussi vit en Ohio, donc ça se regroupe là, en moton. Donc, des délinquants. Des délinquants. Exactement. Sexuel. Donc, qui a été relâché en 2013 après un crime qui date de 2011. Il a été vu en train d'avoir des relations en plein milieu d'une ruelle avec un ballon gonflable, mais de piscine. Un petit genre de truc qui flotte sur la piscine. Ah. Un raft, un genre de petit bateau. Donc, l'homme de 32 ans a été attrapé avec. Il a été vu avec ce gros ballon rose dans une ruelle de l'Ohio. Les voisins ont appelé la police parce qu'il était sûr. Physiquement sur le petit bateau avec ses pantalons autour de ses chevilles. Ouais. Donc, oh il a été arrêté God. Un peu de temps après ça et en 2013, il a été vu encore une fois en train d'avoir des relations avec exactement le même petit bateau flottant. Tuberta qui a été accusé par un grand jury du Butler County, blablabla, un enfant l'avait vu en train de sortir de chez lui nu avec son petit truc en dessous du bras. Il a été arrêté au moins 5 fois dans le passé pour des crimes similaires, dont en juillet 2008 pour indécence en public. Come on, ça me dérange pas que tu fasses des guizis avec un bateau. Fais-les chez vous. Oui. Chez vous, c'est ça. Il aime ça le soleil, je pense. Il veut prendre la vitamine. Ben mon Dieu, fais-toi construire une cour avec une grande clôture. Anyway, d'une ruelle. Ça doit pas être ce qu'il y a de plus éclairé et plus excitant. Non, c'est ça. Par contre, tu dis, installe-toi des grosses clôtures. Oui, tout à fait. Sauf qu'après ça, on se rend compte que tous les gens qui ont kidnappé des enfants à travers l'histoire avaient toutes des clôtures super hautes dans leur cour. Je sais pas si t'as remarqué ça. Mais ils kidnappent pas des enfants, ils fourrent des bateaux. C'est ça, kidnappent pas des enfants. Fais juste fourrer tes bateaux. Ben oui, laissez-les que ces bateaux, mais. Construisez-y une clôture. Mais hein, capitaine? Oui, caporal. Caporal, capitaine. Matelot. Matelot, oh, c'est cute comme nom. Ah, c'est vrai que t'es pas vite des fois. Matelot. Matelot. Donc, en Virginie-Occidentale, qui a des lois assez particulières. En fait, c'est complètement légal en Virginie-Occidentale de ramener des animaux morts sur le bord de la route pour les manger chez vous. Ça, c'est complètement légal. Il y a une loi qui a été... Ben oui. Donc, cette loi-là a été approuvée. Pour économiser de l'argent au département des transports. Ça coûte moins cher de nettoyer les routes si les gens ramènent leurs animaux à la maison. Dans le même domaine, c'est parfaitement légal pour un homme d'avoir des relations avec un animal en autant qu'il pèse moins que 40 livres. Ah non, encore mon aujourd'hui. Chat! Mon chat! La bestialité donc, est légale en Virginie-Occidentale. C'est dépendant du poids de l'animal. Ça ne dit pas, par contre, s'il doit être mort ou vivant. Donc, j'imagine que ce pourrait le gâter qu'un animal de moins de 40 livres. Non, mais mort, c'est rendu de la nécrophilie, là. Ouais, ben c'est ça. Oui, la ligne entre bestialité et. Ben, entre mort et vivant. Tu penses? Ça va pas du côté de son animal? C'est les deux en même temps. Ça peut être bestialité ainsi que. Non, je trouve que t'as passé une petite coche de l'autre bord, là. OK. Mort, là. Ouais, mort. On parle de seins maintenant. Lolo Ferrari, une star de la porno française qui est célèbre pour ses énormes seins. Pour ses énormes Lolo, j'imagine. Lolo. Ben voilà, ça vient ça de là. Dit hein. Tout. Comme dans Matelot, Lolo Ferrari. Donc, sa grosseur de poitrine, par contre, n'est pas naturelle, on peut s'en douter. Ferrari qui a vécu 22 augmentations de la poitrine, selon le livre des records Guinness. Sa brassière serait environ du 36T ou encore du 36 triple M. Ouais, mais ça, c'est pas les mesures canadiennes, là. Fait non. que c'est difficile de. Et comment convertir? C'est une aucune idée. Mathématiques. J'en ai vraiment aucune idée. Pourtant, Jean-Philippe, t'es un grand professionnel du. Ah oui, mais je me suis jamais acheté de brassière. C'est ça. Une autre rumeur au sujet des seins de Ferrari, c'est que ces implants ont reçu le design d'un ingénieur qui a travaillé sur les Boeing 747. Les rumeurs disent ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait le même designer. À cause de ses commentaires à Ferrari sur le sujet, plusieurs psychologues suggèrent que l'actrice est atteinte de dysmorphophobie, qui est une maladie mentale où une personne est beaucoup trop concernée, pense beaucoup trop à son image physique comparée aux autres. Donc, ce serait de la dysmorphophobie. Elle a peur d'être dysmorphée, là, déformée. Là. C'est ça, dysmorphée comme dormir même longtemps. Dysmorphée, 9 moineaux, 8 marmottes. Et à la fin, c'est quoi? Une souris verte. Voilà, voilà. C'est tout pour cette partie de Kinky Sexy Time. Dans quelques instants, ce sera le blog sur les élections de l'âge de l'UQTR. Par contre, avant ça, qu'est-ce qui est sexy dans la vie, si c'est pas? Mathieu Plante. Oui, aussi. C'est pas la mal fille, sa pochette de... Mais mettons comparé à moi. Comparé mais sont deux, toi? Eux autres, par contre. Ils ont l'air d'être deux. Bon, mais c'est la même fille. Même fille deux fois? Des jumelles, t'as combien? Sont rousses. Sont rousses. C'est Sexy Mathematics, voici Winter. Ça, c'est fou. Des jumelles rousses, retour les entrevues avec les candidats aux élections de la GEQTR, assemblage requis, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 25 mars 2014 et Stéphanie Paradis. Non, Jean-Philippe Charbonneau. Jean-Philippe Charbonneau. C'est la troisième fois en deux jours que je fais ce lapsus-là. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai un blocage psychologique. Je vais être obligé de demander à Stéphanie de te fouetter, là. C'est à n'y rien comprendre comment je peux penser que t'es Stéphanie Paradis parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Non, tu sais, la barbe, les cheveux dans le vent. Les cheveux, ouais. Le poulet tout le temps dans la main. Oui, c'est Stéphanie, c'est une banane. C'est ça, Stéphanie aurait une banane. On va demander... OK, c'est bon. Puis toi, c'est Mathieu Plante. Oui, normalement. Au retour, les élections de la GQTR, mais pour l'instant, voici Talent sale, dont on a créé un monstre. Talent sale, dont on a créé un monstre. Certains diraient une chanson très politique. Hein? Talent sale, ça s'affronte, ça se... Talent sale, Je me demande où tu t'en vas avec ça. Je sais pas. Probablement vers les élections de la GQTR qui ont lieu en ce moment du 24 au 27, mais on pourrait dire presque du 25 au 27 parce qu'on est rendu le 25. Hein? C'est aujourd'hui jusqu'à jeudi soir à 23h45 qu'on peut voter via le portail. On vous le rappellera tantôt. Mais pour mieux voter, il faut connaître ses candidats. Et donc, on en a trois aujourd'hui en studio. On commence avec la VP à la vie associative et à l'environnement, potentiellement. Hein? Audrey Cloutier, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Bienvenue en studio, ça va très bien. T'es la première, donc, qui va presque baptiser ce segment-là de la GQTR. On va te poser 9 questions, Stéphanie et moi, dans l'ordre. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Donc, tout le temps dans le même ordre pour vraiment être juste avec tout le monde. Commençons par la première question, la plus facile à répondre parce qu'elle te concerne toi personnellement. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? En ce moment, j'étudie dans le bac en art depuis ma deuxième session à l'UQTR. Mm-hmm. Et t'aimes ça? Oui, j'adore ça, effectivement. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? En fait, je me présente à la vie associative et à l'environnement. Donc, concernant toutes les autres associations, mon but, c'est d'établir le bon contact avec tout le monde puis d'établir la belle harmonie aussi, en fait, d'avoir un bon sentiment d'appartenance avec l'UQTR. Puis pour qu'est-ce qui est de la partie environnement, je vais préconiser surtout le développement durable. En fait, ça va être mon gros cheval de bataille. Mm-hmm. Puis, dans le fond, de poser plus d'actions concrètes sur le campus. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste que tu veux avoir, celui de VP à la vie associative et l'environnement? Par rapport à mes expériences, en fait, tout au long de mon cégep, pour moi, c'était super important de m'impliquer. Donc, c'est pas nouveau pour moi, cet éveil-là à la politique. En fait, j'adore ça, j'en mange. Puis, l'environnement aussi, c'est un gros cheval de bataille pour ma part. Puis, la connexion avec les autres, c'est une facilité que j'ai. C'est vraiment un acquis qui pourrait me servir aussi dans ce poste-là. Donc, vraiment, je pense que ça va de soi. Puis, ça s'est fait un peu tout seul, là, je veux dire. C'est pas mal ça. Ouais. Et tu nous as parlé du développement durable, donc ça, c'est le projet qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu as déjà des idées un peu plus concrètes en tête déjà? Qu'est-ce qui se passe présentement sur le campus? Il y a beaucoup de comités déjà présents. Je pense au bac vert, puis dans le fond, de rentrer plus en contact avec eux. Puis parfois même aussi de communiquer avec les autres universités, voir le réseau, qu'est-ce qui se passe aussi, pour savoir qu'est-ce qu'eux font de bien. Puis même leur mauvais coup, on peut s'en inspirer aussi pour nous se pousser à un autre niveau, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore. Puis pour les actions concrètes, je pense tout simplement dans mon pavillon, tout notre placebo des recyclages et tout ça qui est jeté dans le container, moi, ça me... ouais, ça m'atterre, en fait. J'aimerais ça pousser ça un peu plus loin, là. Ouais. La question piège, maintenant, que représente la GEQTR pour toi? L'AGEQTR, en fait, c'est notre association étudiante à tous les étudiants. Donc, pour moi, c'est super important qu'on ait une idée globale, tout le monde ensemble, puis qu'on puisse se tenir main dans la main. Je pense que l'union fait la force, puis que l'AGEQTR, en fait, elle peut nous aider à travers ça. Donc, j'incite tout le monde à participer, puis à venir voter. Selon toi, quels sont les enjeux importants de l'AGEQTR en général pour l'année à venir? Par rapport à l'avenir en venir, on a entendu beaucoup parler de l'accessibilité en fauteuil roulant. Je pense que ça, c'est super important aussi. Puis, je vous encourage à poursuivre dans cette voie-là. On a aussi entendu parler du développement durable par rapport à plusieurs sphères. Je pense qu'on peut tous rentrer en contact puis pouvoir faire un beau plan de développement durable à travers ça, en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à un poste de la GEQTR et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire? Pourquoi l'as-tu pas fait avant si tu dis que t'as la politique en dedans de toi? Qu'est-ce qui t'a... Ben, en fait, c'est ma deuxième session à l'UQTR. Je voulais me laisser un peu la chance de tenter le terrain, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je me suis impliquée dans deux comités à la session dernière. En fait, je suis toujours le pied dedans cette session-ci. Puis là, ben, je pense que c'était comme la prochaine étape pour moi, en fait. Je voulais pas y aller trop drastiquement en commençant. Donc, je pense que je suis rendue à la bonne place au bon moment. Et que penses-tu faire pour intéresser plus les étudiants à la GEQTR? Ben, j'utilise beaucoup ma communication oral. J'aime bien rencontrer les gens. En fait, la vie associative, c'est un peu ça que ça représente. Fait que pour moi, je le fais déjà sur le terrain. Je vais voir les gens, puis je discute avec eux. C'est vraiment super important pour moi. Puis malgré le fait que je suis en art, ben oui, je peux faire des belles affiches. C'est pas tant ça le pépin, mais j'aime beaucoup rencontrer les gens puis pouvoir discuter avec eux. Ouais. Mm-hmm. Bien. Et on termine toujours avec un petit mot, une pensée, un slogan, quelque chose qui va faire que les gens vont voter pour toi. On t'en pose des bonnes. Une belle question piège. En fait, je crois que tout le monde ensemble, on peut mettre la main à la pâte puis aller de l'avant. Ouais. Aller de l'avant, voilà. Audrey la Cloutier. Phrase, ouais. C'est beau. Audrey Cloutier, qui est donc la seule candidate à affronter quelqu'un d'autre au poste de VP à la vie associative et à l'environnement, on va recevoir à Robin Fournier à l'émission de jeudi matin. Donc, soyez-y. Pour l'instant, on continue avec notre deuxième candidat de la journée. C'est celui qui se présente au poste de VP aux affaires sociopolitiques. On parle d'Alex Brisebois-Proulx. Bonjour. Bonjour. Ça va toi aussi? Ça va bien, vous? Oui, deuxième candidat. Oh oui. Et on va alterner. Donc, Stéphanie va. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Tu reconnais Jean-Philippe? Jean-Philippe. Oui. On va commencer avec la première question de notre Blitz. Oui, donc, quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Mais je suis présentement à ma troisième année en enseignement en éducation physique et à la santé. C'est pas mal ça. Avant, j'ai fait une autre année à une autre université. Mais là, maintenant, je suis à Trois-Rivières. Ça fait la troisième année que je suis là. Les autres comptent pas. Une fois que tu arrives à l'UQTR, tout est oublié. Est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes, celui de VP aux affaires sociopolitiques? VP sociopolitique, je vous dirais, selon moi, c'est le plus intéressant. Comme je vous disais, avant, j'ai fait une autre année à l'université, c'était en sciences politiques. Je pourrais vous dire que les affaires sociopolitiques, c'est tout ce qui englobe l'information au niveau des... Comment je pourrais décrire ça? Au niveau de... Tu es à ton université, il y a des décisions qui se prennent. Est-ce que ça fait ton affaire? Selon moi, sociopolitique est là pour les étudiants qui se disent que tu penses, quel vers où on devrait s'en aller. Sociopolitique est là pour diriger les personnes, proposer des idées et faire en sorte que lorsque on prend une décision, tout le monde est d'accord. C'est sûr, ça va être difficile, jamais personne n'est d'accord, mais que tout le monde au moins ait une idée, qu'il soit informé de l'idée et qu'on milite ensemble pour arriver à une fin. Et peux-tu partager avec nous tes expériences pertinentes pour le poste convoité? Comme je viens de le mentionner, j'ai fait un an en sciences politiques. La politique, j'en fais depuis que je suis tout jeune. Comme je l'ai mentionné hier au débat à la Chasse-Galerie, j'étais en troisième année quand j'ai débuté un peu à faire la politique. À mon école primaire, ils appelaient ça les jeunes leaders. On proposait des idées. Au début, c'était proposer une récréation plus longue sur l'heure du dîner lorsque c'était mettons, Noël ou Pâques ou les activités comme ça. Et maintenant, c'est rendu que ça fait 3 ans que je suis président de mon association étudiante. Je milite pour les étudiants. Je veux qu'on ait des droits. Il faut les faire entendre. Et aussi, tout niveau, moi, je trouve vraiment, je m'implique surtout pour l'information. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont bonnes à savoir. Aussi, par rapport à tous les comités, commissions d'études, le CA, des choses comme ça, il y a des décisions, des grosses décisions qui se prennent. Puis tous les étudiants pourraient participer ou donner son opinion. Puis souvent, la plupart des étudiants ne le font pas par manque d'information ou comment se rendre pour que notre point de vue soit entendu. Ouais. Maintenant, on veut savoir quels sont ou quels seront tes projets importants si tu es élu, parce qu'il faut évidemment tout le temps la chaise contre toi. Donc, si tu es élu, quels seront tes gros projets dans ton poste? Le gros projet, premièrement, on sait tous qu'au mois de mai, juin, juillet, c'est plus tranquille à l'université. Donc, je trouve que c'est le moment où les plus gros projets papier, c'est là le temps de les faire. Moi, ce que j'aimerais, j'ai parlé beaucoup depuis le début de l'émission de l'information, faire une sorte de document expliquant tous nos droits, tout ce qu'on peut faire. Et nos droits, je parle aussi par rapport aux bourses, par rapport à un projet à ton association étudiante, tu veux l'amener, la GEQTR peut te donner des certains montants pour t'aider ou t'encadrer tout simplement, pour t'aider à diriger. Donc, j'aimerais faire un document qui explique tout. Et si jamais tu as un problème au niveau scolaire, qui aller voir? Un problème au niveau sociopolitique, mais là, ça va être moi, si dans le cas que j'ai lu, ou toutes les choses comme ça pour que ça soit clair, simple et précis. Comme ça, tous les étudiants ont un problème, vont voir son association étudiante. Je le dis plusieurs fois, les associations étudiantes, c'est comme une famille. Tu peux t'impliquer, comme tu peux pas t'impliquer, mais ça reste que, même si tu t'impliques pas, tu fais partie d'une association étudiante. C'est pas pour rien une cotisation, mais c'est surtout le fait que on est une famille, tu as des droits, puis tu peux t'en servir, puis ça va te faciliter la tâche aussi. Et la GEQTR, qu'est-ce que ça représente pour toi? La GEQTR, ça, c'est comme la grande famille. C'est une équipe. Moi, j'espère, comme tous ceux qui vont les lire, puis je pense que ça va se faire, tout le monde veut travailler en équipe. Ça, c'est, il n'y a personne qui se présente pour avoir un titre ou moi, je suis VP de quelque chose. Pour avoir discuté avec tout le monde, tous les candidats, c'est sûr que c'est pas ça. Donc, la GEQTR, pour moi, c'est une grande équipe qui est au service des étudiants puis qui travaille pour les étudiants. C'est sûr et certain, on travaille pas pour faire des trucs simplistes, c'est vraiment pour les étudiants. Puis je vous encourage aussi, mardi, le 1er avril, il y a une assemblée générale, plusieurs gros sujets qui vont discuter, qui pourraient aussi faire beaucoup de conséquences, autant positives que négatives, mais des grosses conséquences aux choix qui vont être faits. On a souvent la difficulté à parler quorum. Ce serait le moment que les personnes viennent. Il y a une levée de cours de 13h30 à 17h. C'est le moment de venir pour se faire entendre. Et ça, c'est encore une fois le 1er avril? 1er avril, oui. D'accord. On a parlé donc de gros projets de l'AGE qui vont être discutés en séance, entre autres, mais pour l'année à venir, la prochaine période de 365 jours, quels seront les projets importants de l'AGEQTR en général? D'abord, un projet, pour moi, c'est pas un projet, c'est une façon d'être. C'est vraiment d'être là pour les étudiants. Mais aussi, tantôt, ma collègue Audrey a parlé aussi de l'accessibilité, autant à la chasse-galerie, mais surtout partout à l'université. C'est vrai qu'il y a un manque flagrant au niveau des installations pour les personnes handicapées. Sinon, continuer à développer, ça, je crois que Christian va pouvoir vous en parler un peu plus tantôt, au niveau de la chasse-galerie. Ça nous appartient à l'AGE. C'est notre fleuron, donc il faut faire attention, il faut l'améliorer sans cesse. Sinon, au niveau sociopolitique, qui est mon poste convoité, comme moi, vraiment, mon but, c'est de rendre ça clair. Et aussi, Christian, qui est à ma gauche, a déjà fait beaucoup de beaux projets. On s'est déjà parlé. Il va me passer ses documents. Je veux continuer ce qu'il a entamé. Aussi, tout au niveau des conférences, il y en a une aussi, d'ailleurs, jeudi prochain. Une conférence très appréciée. Les plugs sont appréciés. Oui, c'est ça. Moi, je suis un gars de plug. Puis, c'est ça. Continuer ces choses-là, parce qu'on peut en apprendre beaucoup. Moi, quand j'avais 12 ans, j'avais assisté à une conférence de quelqu'un dans le milieu politique. C'est là que ça m'a ouvert les yeux, que de me rendre compte que, finalement, quand tu parles, il y en a qui t'écoutent, puis que tu as un pouvoir. Je dis pas que tu as le pouvoir d'un super-héros, mais tu as le pouvoir de faire entendre, puis ça peut peser gros dans la balance. Et pourquoi c'est cette année que tu as décidé de te présenter à ce poste-là, à la GEQTR? Comme je l'ai dit, là, c'est ma troisième année de présidence à mon association étudiante. J'en veux plus. Je veux relever encore plus des gros défis. Mais l'année passée, je m'étais présenté aussi pour un autre poste. Ça semblait aussi. J'ai malheureusement pas gagné. Contre Roxane Dulon, je pense. Exactement, aux communications. J'ai pas du tout été amer, au contraire. Si je suis là ce matin, c'est parce que je veux continuer. Et surtout, je veux m'impliquer parce que ça fait partie de moi. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu penses faire pour intéresser plus les étudiants à la GEQTR? On l'a dit tout à l'heure que le vote, souvent aux élections, c'est 10%. Ça atteint un petit peu, je pense, les 15%. C'est quoi là? Je pense qu'on vise 20% cette année. Donc, comment faire pour que les gens s'intéressent plus à cette AGEQTR? Comme je l'ai mentionné, je crois aussi que le document que je veux faire, c'est une porte d'entrée pour la mobilisation. Par contre, mobilisation, c'est le plus gros terme et la plus grosse difficulté qu'on a. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, même si parfois il y en a qui pourraient juger ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, mais c'est difficile. Il faut intéresser les autres, puis il y a tellement d'autres choses alentour. Comme que je l'ai mentionné hier, je parle à des personnes, puis je dis... Tu pourrais venir en parler, puis OK. Puis si tu vraiment, tu les attaches pas tout de suite, tu lui donnes toutes les informations, ouais. Ben le lendemain, il pense plus ou. Il pense à autre chose, c'est ça. Il pense à autre chose. Fait que là, moi, ce que je veux faire, c'est essayer, comme je parlais au début de l'émission, les CA. T'sais, plusieurs peuvent assister, les commissions d'études, les directions que l'université prenne. Si les jeunes, les étudiants sont impliqués là-dedans, puis. Peuvent prendre des décisions, des choses comme ça, mais il va être intéressé aussi à venir à l'Assemblée générale. Parce que des fois aussi, j'en ai réussi à la convaincre de venir à l'Assemblée générale, puis on n'avait pas le quorum, donc au début, ça dit, OK, bon, on va en discuter, mais les décisions, on ne pourra pas en tenir compte parce qu'on n'a pas le quorum. Puis là, il était comme, ça n'a rien de venir ici, puis s'en allait. Mais oui. Donc, il faut vraiment mobiliser, puis pas manquer notre coup, dans le sens qu'il faut avoir le quorum, puis ben, voir aussi que lorsqu'ils prennent la parole au micro, il mentionne quelque chose, ben ça peut avoir un effet, un très grand effet. Donc, moi, tout le long de mon mandat, ça va être la mobilisation, travailler là-dessus, en essayant d'approcher le plus possible, puis de pouvoir créer quelque chose pour vraiment qu'ils s'intéressent à la géoculaire, ce qui est vraiment un très gros défi pour toute l'année. En effet. Et finalement, t'es chanceux, tu as un peu plus de temps pour y penser. Un petit mot, une pensée ou un slogan? Pour de l'information directe, votez Alex Brisebois. Hey, un slogan. Un yes. Slogan. Bravo, ça ferait une belle affiche tout ça. Donc c'était notre candidat, en fait votre candidat VP aux affaires sociopolitiques qui affronte la chaise. Donc c'était Alex Brisebois-Proux. Yes, la chaise fait un petit signe. Comme... C'est quel genre de chaise? Es-tu coussiné au moins? Je sais pas, je l'ai pas encore rencontré. En fait, c'est pas encore présenté à l'entrevue. Moi, c'est clair, si elle est pas coussiné, c'est pas coussiné. Aucun intérêt. D'accord. Et on a notre dernier candidat pour aujourd'hui. C'est celui qui se présente au poste de VP aux Finances et Développement. C'est Christian Junior Bourdon. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très super bien. Super bien. Toi, ça va? Super. Oui, heureux de te recevoir. On a encore 9 questions pour toi. Devine lesquelles. On commence. On pourrait les mélanger. Ouais, ça fait un peu de suspense. Dans un chapeau. Et on joue toujours One Direction à la fin. Donc, ça, c'est la musique qui font ça, je pense. Donc, première question, c'est moi qui commence. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Je suis, dans le fond, étudiant en sciences comptables depuis 2 ans. C'est sûr que j'ai un parcours universitaire un peu atypique. J'ai commencé, dans le fond, en droit à Sherbrooke pour transférer en sciences politiques, pour ensuite arriver ici à l'UQTR en bac en enseignement secondaire pour finalement me rendre en sciences comptables. Fait que, bref, j'ai touché à pas mal tous les programmes, donc ça me permet de connaître un peu comment les manières de penser de divers programmes. Moi, je suis curieux, c'était indécis ou passionné? Je dirais que j'avais été indécis pendant un certain temps, mais disons que sciences comptables, présentement, c'est enfin ma branche, donc tant mieux. C'est la joie de pouvoir toucher à tout en sciences comptables, bien que le monde, en général, pense « Ah, je suis tout seul dans un bureau avec ma calculatrice », mais non, c'est un univers en soi. C'est faux. Et si, Jean-Philippe, je peux t'insérer une blague, parce que Jean-Philippe, vous le connaissez, est un amateur de blagues plates, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faudrait que tu fasses une blague sur butiner quelque chose avec M. Bourdon, s'il te plaît. Ah oui, OK, pour bien jouer mon rôle. En tout cas... Hey, non, Tu butines de fleur en fleur, juste quelque chose de plate de même. Pas besoin d'avoir un punch. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je suis Jean-Philippe. C'est ça. En tout cas, t'es un bourdon, hein, poilu. Voilà. C'est à ton tour, hein? Oui. On s'est perdu dans le... Donc, oui, peux-tu nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? C'est sûr que vice-président aux finances et développement, c'est vraiment au niveau des services. C'est sûr que là, présentement, je veux juste dire que je suis vice-président aux affaires sociopolitiques. Oui. Fait que c'est tout un contraste. C'est un univers complètement différent. VP Sociopo, c'était vraiment au niveau de la mobilisation et tout. Mais là, c'est vraiment au niveau des services. Donc, je vais être peut-être un peu plus reclus dans mon bureau, penseur et songeur, et avec mes comités. Donc, je vais être un peu moins accessible. Mais bon, je vais toujours être là pour avoir une politique de porte ouverte. Mais pour en revenir au poste de VP Finance, c'est sûr que... Il va y avoir certains défis à le relever, mais il y a une question justement qui va revenir là-dessus. Tu donc, ouais. C'est pas prévisible pourtant, oui. Donc, c'est pas mal ça. D'accord. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste convoité? Tu l'as dit, t'es déjà à la GE, donc sûrement que ça compte là-dedans. Mon parcours, dans le fond, d'implication a commencé, je vous dirais, pas mal au secondaire et au cégep au niveau, dans le fond, causes humanitaires et, dans le fond, commerce équitable. Ensuite, dans le fond, j'ai recommencé à m'impliquer à l'UQTR, dans le fond, le comité de sciences comptables. Pour ensuite arriver comme président par intérim d'ASK pour enfin me retrouver vice-président des affaires sociopolitiques de l'AGE et enfin me présenter au poste de finances et développement. Et quels sont tes projets si jamais tu es élu? C'est sûr, comme j'avais dit, dans le fond, il va y avoir certains défis à relever et c'est sûr que souvent au service, il y a tout le temps des petits bobos, des choses qui vont bien puis que ça serait le fun d'améliorer. C'est sûr qu'au niveau des coûts, de certains services qui, je trouve, qui ont quand même beaucoup augmenté, ça va être à revoir. Il y a aussi dans le facteur la trésorerie qui va être à retravailler peut-être à la GE, peut-être avoir une meilleure gestion. C'est sûr que là, je parle quand même jargon financier, comptable, plate, mais il faut juste prendre en compte que ça coûte cher certaines choses et il faudrait peut-être que ça baisse de prix. Ouais, modifier ça. La question que tu ne verras jamais venir, que représente la GEQTR pour toi? C'est sûr que j'ai eu la chance ou la malchance de m'impliquer l'année dernière dans la GE. C'est sûr que la GE, dans le fond, c'est comme un peu un amour qui se laisse pas dompter. Je m'explique dans le sens que autant que tu peux aimer la GE, c'est la plus belle vocation qu'il y a pas, que des fois, tu te dis « qu'est-ce que je fous ici? » Mais à chaque fois, tu te dis... Ça finit tout le temps, par exemple, pour te dire que c'est la plus belle... Ça vaut la passion, c'est ça. D'accord, c'est bien ça. Quels sont les enjeux importants pour la GEQTR en général pour l'année à venir? Pour l'année à venir, c'est sûr que dans le fond, il y a toujours l'aspect un peu, j'y toucherai moins, c'est sûr, en tant que finance et développement au niveau réorganisation de la GEQTR. C'est sûr qu'il y a un comité justement en place par rapport à ça, voir l'avenir de ça. C'est sûr que ça va toucher tous les services, ça va toucher tout l'ensemble de la GEQTR. C'est surtout ça qui va être à vérifier l'année prochaine. Sinon, moi, personnellement, au niveau des services, comme j'ai dit, ça va être dans mon bureau avec ma calculatrice. Mais non, je vais être quand même accessible. D'accord. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à un poste à la GEQTR? Bon, l'année passée, on commençait par là parce que c'est là que tu t'es présenté. Pourquoi? C'est sûr, on ne voit pas tout le temps quelqu'un d'admin se présenter au poste de VP Sociopo. Je suis quelqu'un de très polyvalent qui aime toucher à tout. Ça peut se voir aussi dans mon cheminement universitaire. Pour revenir à ça. Puis je trouvais que c'était dans le fond une continuité d'aller au poste de VP aux affaires finance et développement, justement, dans mon cheminement. Bref. Est-ce que tu juges que c'est de monter d'un cran, tasser d'un cran vers la droite? Comment tu vois ça? Vers la droite. Vers la droite. Vers la gauche, peu importe, vers un autre sens. C'est différent. Oui et non, c'est différent, c'est ça. C'est que chacun, dans le fond, a leur place. Mais c'est totalement des postes totalement différents. C'est ça aussi peut-être aussi qui m'attire. J'aime pas faire tout le temps la même chose. Mmh. C'est ça. Là. Autant que j'ai aimé mon expérience en tant que VP sociopolitique, je ne le referai pas. OK. C'est ça. Bon. C'est clair au moins. Ouais. Et que penses-tu faire pour intéresser plus les étudiants à la GEQTR? Finance. Mmh, c'est sûr que c'est toujours l'aspect un peu... bête noire, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ça peut intéresser, mais disons que les personnes sont souvent rares. Ça va être surtout d'essayer peut-être d'aller chercher ces personnes-là si possible. Sinon, bref, je vous dirais qu'au niveau des comités qui sont justement en lien avec finance et développement sont souvent pleins. C'est tant mieux. Ça intéresse le monde. Même souvent, c'est pas du monde en admin. Quand même drôle. Donc, les comités comme le SAGE, le comité de contrôle interne, des fois, peut-être de la difficulté à se remplir. C'est peut-être juste d'aller chercher ça. C'est sûr que le poste de VP, comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui travaille en comité, qui est plus reclus. Mais je veux pas non plus devenir enfermé dans mon bureau, cloisonné. Donc, venez me voir. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir des étudiants. C'est ça. C'est son slogan, un bourdon, pas une ermite, dirait Jean-Philippe Sommer. Pas pire quand même. Je sais pas. Non, pas vraiment. Donc, petit mot, pensez, meilleur slogan que le mien. T'as l'opportunité de le faire. J'ai déjà fait un petit slogan. Disons qu'on est quand même aussi en campagne provinciale. Dans le fond, Mathieu et moi, on a brainstormé un peu. Dans le fond, un homme à son affaire, Christian Gérard-Bourdon. Un homme à son affaire. Et voilà. Parfait. Donc, on te remercie, Christian Junior Bourdon, qui se présente au poste de VP aux finances et développement versus The Chair. Puis-je faire une petite plug bien en sûr. Tant que VP au poste de sociopolitique encore? Dans le fond, c'est les tribunes libres des candidats de Trois-Rivières à 13h. Vous êtes les bienvenus. Sinon, si vous pouvez pas vous déplacer, vous toujours l'écouter dans l'onde, c'est fou. Ouais, génial, tout à fait. C'est cet après-midi, ça commence à 13h. Donc, on a donné la chance des plugs à toi et à Alex tantôt. J'en ai pas donné à Audrey. Il faut être juste avec tout le monde. Si jamais elle a une plug, elle peut lever la main. On va lui passer le micro pour faire une plug si elle en a une. Elle n'a pas l'air d'avoir de plug. Je voulais juste être juste avec tout le monde. Peut-être trouver une. Je sais pas, des fois, un petit de fille à plugger. Je vais à du Tupperware. Hey, c'est une blague. Ça, c'est Stéphanie qui nous. Mais moi, je sais pas pourquoi je suis indignée. Je sais pas trop. J'en aurais peut-être une, en fait, le gala. Ben, pas le gala, mais en fait, dans le pavillon central, je vous dirais que l'expo-vente est terminé malheureusement, mais il y a toujours possibilité d'aller peut-être jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Intéressant. Ah, ben oui. Tout à fait. Donc, on remercie la candidate VP à la vie associative et à l'environnement, donc Audrey Cloutier. Ensuite, le futur VP potentiel aux affaires sociopolitiques, Alex Brisebois-Proux. Et futur potentiel VP aux finances et développement, Christian Junior Bourdon. On les remercie les trois. Demain à l'émission, on devrait recevoir le candidat à la présidence, Mathieu Roy, ainsi que le candidat VP aux affaires académiques de premier cycle. On parle de William Lamontagne. C'est l'émission de demain. On fait ça à 8h30 demain. Donc, soyez-y, la case varie de jour en jour pour mieux vous servir. Et ça va être Stéphanie qui va être là demain. Ça va être Stéphanie qui va être là demain avec, avec sa belle voix féminine. Pour ceux qui ne suivent pas, là, désolé pour vous, mais 1+1 égale 2. Hein? Bon. Tout à l'heure à l'émission, on continue Kinky Sexy Time. Oui, on parle des élections à du Kinky. On a aussi la collègue d'Alexandra Carignan qui s'en vient. Mais avant ça, en musique, on s'en va entendre Mardi Noir. Voici Cœur de Simon tout de suite sur Sifu. Dans vos oreilles. Mardi Noir et Cœur de Ciment. Au retour, Kinky Sexy Time. Mais avant ça, c'est l'info qu'en plus. Dans la zone 89.1. Si peu dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce mardi 25 mars 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Charbonneau. Car Good Water. Ah, ce bon vieux gag d'il y a un an environ. Moi, il m'a marqué. Mais oui, ça reste en tête. Car Good Water. C'est parce que c'était juste, oui, oui. Ça me semble juste. Ah, tes phrases, toutes écrites par ma main, en fait, et toi, tu les appropries, ça marque les ondes radiophoniques, tes petites phrases, Jean-Philippe. Ah, mais c'est l'interprétation qui compte. C'est ça, tout est dans le jeu d'acteur. Hein? Un film a beau être bien écrit ou un sketch ou peu importe, s'il n'est pas bien joué, ça va mal tomber et nous, on a tout. Tu sais, tout est inclus. Le script, les acteurs... Le soleil, le bar open. Le bar, oh, la tequila. 6 nuits avec petit déjeuner. Occupation double. Sur la terrasse. Voilà. On écoute une suggestion pour Stéphanie Paradis qui nous écoute de Ah sa oui, raison. Elle nous a appelé. C'est ça. 12-pack, pif-paf, hangover. Tout de suite à Assemblage Requis. In Biff Paff Hangover et 12 Pack, ceux qu'on a renommés avec Stéphanie. Tu te rappelles Stéphanie Paradis, JP? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est, on a rappelé ça, on appelle ça Biff Baff Lendemain de Veille. Elle est bonne. Oui, c'est drôle, on dirait que j'ai comme l'impression d'avoir vécu une soirée de sexe avec toi avec les effets sonores que tu viens de faire là, JP. Tu fais ça à la fin de tes relations. C'est Kinky Sexy Time. On apprend à le connaître, JP. C'est Kinky Sexy Time, la chronique pour un public plus ou moins averti. Là, on revient à nos affaires un petit peu. Ah, je pense que c'est JP en train de boire un petit peu de son café comme il fait toujours. Hein. Quel beau son. Ça aussi, un autre son qui provient directement de sa chambre à coucher, donc on le sait. Merci, JP. Donc, on a parlé de poitrine tantôt, JP, et une femme a le record des implants mammaires et elle dit que ça l'a sauvée d'un accident de voiture. Elle avait pas de coussin gonflable dans son char? C'est exactement ça. Donc, c'est seins 38 triple K. Ils sont racistes, ces seins, c'est des 38 KKK. Merci. Elle l'a sauvée d'un accident de voiture en servant de sac gonflable. Sheila Hershey. Même ses seins portent le nom de chocolaté. S'il était noir, ce serait des seins racistes chocolatés. Ça serait comme super ironique, ça. Drôle d'image un peu. Donc, Sheila Hershey, qui est propriétaire, on peut le dire, parce que c'est des objets des plus gros implants mammaires du monde, revenait d'un party du Super Bowl. Elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle est fond, Super Bowl est bonne. Super Bowl. Super Bowl. Elle est foncée dans un arbre. T'es vraiment fort sur les mauvaises blagues aujourd'hui, j'aime ça. Donc, c'est ça, on l'a arrêtée pour conduite en état d'ébriété. Et parce qu'elle ne portait pas sa ceinture de sécurité, évidemment. Je sais pas si la ceinture peut se rendre jusque-là. Quoique aux États-Unis, les gens sont tellement huge fat que tu dois pouvoir avoir ouais, pas mal. Oui, ça doit être adapté. Et de toute façon, on sait, dans les voitures, t'as des adaptateurs de ceinture de sécurité pour les gens qui sont tellement super huge. Ah, oh, ça, c'est triste. C'est comme juste une petite rallonge comme de courant. Tu branches d'un côté puis de l'autre, puis waouh, hein. C'est triste. C'est pathétique. C'est vraiment triste. Pathétriste, comme on dit. Donc, elle dit, je cite, je crois que mes seins m'ont sauvé la vie. L'accident était vraiment intense. J'ai mal au sein, mais ils ont protégé le reste de mon corps. Au moins, elle n'a pas dit Dieu m'a sauvé grâce à mes seins. Au moins. Ouais, c'est ça. Pour vrai, ça, c'est une plus belle religion, croire en des seins. Ah, docteur. Malgré que c'est la même chose, croire en des seins. Je veux dire, c'est la foi. Un commentaire intelligent, JP. Bravo. Je me sens bizarre. Je sais pas d'où ça sort, ces commentaires-là, mais bravo. Donc, apparemment qu'elle devait être encore plus en sécurité parce qu'elle a demandé une autre chirurgie pour augmenter ses seins de deux autres bonnets. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Ah, ben là, elle est rendue paranoïaque. Comment ça fonctionne, les bonnets? Est-ce que tu montrais à du 38 triple M ou à du 40 triple K? Mais je sais pas si ça fonctionne de la même façon qu'ici, là. Je sais pas, qu'est-ce qui est un bonnet, qu'est-ce qui est un cerceau, c'est ça? Hein? C'est quoi les deux termes? Non, mais c'est parce que... Mettons le 36, là, ça c'est le tour en dessous des seins. OK. Puis c'est pas des pouces, là. Ben, je magasine pas en pouces. Non. Je pense que oui, c'est en pouces. Okay. Puis après ça, tu prends la mesure, mais par-dessus les seins. Et avec la soustraction du plus grand chiffre avec le plus petit, ça te donne un chiffre qui équivaut à une lettre, qui est la grandeur du bonnet, qui est l'emplacement pour rentrer le sein. Ah ouais, le fait que ouais. Probablement, c'est juste que c'est les mêmes mesures, mais les codes sont pas les mêmes. Dans les autres pays. Intéressant, mais quand même, si on regarde sa photo, on dirait deux ballons de, je dirais, au moins soccer, probablement plus. Environ. C'est gros. C'est toute une montée de lait, là. Vraiment. En tout cas, son cadre a l'air tout à fait minuscule, le petit cadre avec son diplôme de record Guinness. Est-ce qu'elle explose les melons d'eau, elle, avec ses seins? Je sais pas, mais j'avoue que c'est un bon passe-temps. On dirait que tous les gens qui ont toutes les filles qui ont des gros seins comme ça participent à des concours. On les voit tout ça sur YouTube en train de se... Il n'y a pas juste une qui a fait ça? Tout à la même, hein? Moi, tu sais, les personnes avec des gros seins, je les confonds toutes les unes les autres. Comme les voitures, pas capable de les différencier. On reste dans les seins, les implants de silicone qui existent depuis 1895, savais-tu ça? Non. 1895, donc on dirait que c'est récent. Tu sais, notre culture est très obsédée par l'image depuis quelques temps, mais quand même, ça existe depuis très longtemps. C'est un chirurgien allemand, Vincenz Tschirny, qui a complété le premier implant mammaire sur une patiente. J'allais dire un patient, c'est probablement une patiente. Donc, il a fait cette chirurgie-là pour réparer une asymétrie. Donc, un sein auquel il avait enlevé une tumeur. Donc, il y avait un sein qui était déséquilibré par rapport à l'autre et il a inventé ça. Avant que le silicone devienne standard pour cette procédure-là, les docteurs ont fait des expériences, on a déjà parlé de ça, avec des boules de vitre. Ouais. Ah. De l'ivoire aussi. De l'ivoire. Oh, ça devait être pesant. Je sais pas. Donc, ils ont aussi essayé d'autres procédures avec est-ce que ça dit du rubber, du caoutchouc? C'est marqué R-O-B-B-E-R, donc rubber, un voleur, pas sûr, ça doit être du caoutchouc. du cartilage d'un certain animal, de la laine qu'on appelle terrylaine et plusieurs autres matériaux. Le premier modèle en silicone a été fabriqué en 1963 et des versions-là de ce même modèle sont utilisées depuis. Hey, en laine, moi je suis sûr que mon chat l'aurait découvert puis il serait tout le temps en train de... tapoter les seins. Ma grand-mère était tout le temps en train de se tricoter des seins en fait, tout le temps, en tout cas. Une petite brassière en laine, après ça, que tu peux te faire. Là. Ça oui. Doit garder au chaud, les pectoraux. On faisait pour tous les âges, en plus, là, pour mes ma petite sœur. Pis... Hey, j'aurais-tu pas voulu, tu sais, si j'avais été une femme là, à l'époque, j'aurais pas voulu être la première personne sur qui on teste les implants mammaires. Il semble que... Non, mais tu sais, en vitre, au moins, je veux dire, fais-le en Pyrex, au moins, tu vas pouvoir aller te faire bronzer, ça passe au four, cette affaire-là, du Pyrex. ça fait du verre soufflé, c'est éclat. tu sais, les trucs des églises, là. Des vitraux. Des vitraux. Tu peux te faire des vitraux pour tes seins. Oh, wow! On retourne dans les années 1920, maintenant. Connais-tu les flappers, Jean-Philippe? Les flappers. Les flappers. Non, mais c'était des femmes dans l'Occident. OK, dans je pensais que c'était les petits jeux là, de boules là, que tu... oui, aux arcades. Ouais. Des flappers. C'est des flippers. Ah. C'est aussi un dauphin, je pense, dans un film. Donc, les flappers, c'était une nouvelle sorte de jeune femme dans l'Ouest, dans les années 20. Ces femmes-là portaient de courtes jupes, écoutaient du jazz et exprimaient leur insatisfaction envers les comportements trop socialement acceptables. Donc, c'est des rebelles. Ah, okay. Anarchie! Des anarchistes. Anarchie, good time, come on! Les flappers portaient du gros maquillage très, très intense. Ils buvaient tout le temps et avaient des relations sexuelles un petit peu comme ça, n'importe comment, n'importe quand. Finalement, c'était des femmes qui avaient du plaisir, c'est ça? Exactement, le fun time, good time, come on. Come on. Qu'on les appelait. Donc, c'est ça ce qu'on... Ce qu'on reconnaissait des flappers, c'est la façon qu'elles s'habillaient. Elles portaient des robes très, très, lousses. Laissait les bras complètement nus, ce qui était considéré scandaleux dans les années 20. Ben, mais hein. Les flappers portaient des corsets pour adoucir leur forme, tout en portant des vêtements lousses. Donc, tu sais, ce genre d'entre-deux. Mais ça leur donnait une apparence un petit peu plus masculine. Hein? Donc, elles n'avaient pas trop de courbes, ce qui était considéré avoir des courbes à la mode et attirant. Et ils portaient aussi ce qu'on appelle des Symington Side Lacer, une brassière qui était faite reculer un petit peu les seins, aplatir la poitrine chez les femmes. Donc, la plupart des femmes avec la mode flapper commençaient à porter des Symington Side Lacers pour vraiment avoir le plus androgyne presque possible. Parce que je trouve pas que ça a l'air masculin selon la photo du tout. Ça n'a pas trop pris de temps avec les gros seins commençaient à être considérés comme un trait de manque de sophistication. Ah! Donc, c'était pas de classe quand t'avais des gros seins. Puis ça, c'était quand ça? Dans les années 20. OK, c'est quand même pas longtemps après le début des implantations, ma mère, des implantations. En 1895, tu suis, JP. Puisque le but, tu es dit. C'est une blague, c'est une blague. Les orgasmes féminins peuvent t'amener à une expérience où tu sors de ton corps, ce qu'on appelle « near-death experience », où tu vis la mort. Non, mais là, c'est parce que j'appelle plus ça jouir. Hein? Non, c'est ça. C'est un petit peu déplaisant. Donc, les scientifiques, contrairement aux membres de la société en général, sont bien au courant que le plus grand organe sexuel du corps humain est le cerveau. Et pendant les orgasmes... Je pensais que c'était ton pénis, Mathieu. Ben ça, c'est numéro un. Mais pour le reste du public, la population, c'est aussi mon pénis. Donc, le cerveau, quand même, oui, est très important dans le sexe. Par rapport à l'orgasme. Les scientifiques ont découvert que le centre émotionnel de l'homme et de la femme dans le cerveau va se désactiver pendant l'orgasme. Par contre, donc, c'est plus évident chez la femme, dans le cerveau de la femme. Plusieurs femmes, dont Margaret Birkin, ont écrit au sujet des near-death experiences qu'elles ont réussi à avoir pendant un orgasme. Je cite ici... Un soir, après une soirée de relations sexuelles merveilleuses, j'ai eu une expérience incroyable. C'est comme si chaque nerf de mon corps était vivant, rempli d'énergie. Tout ça était accompagné d'un sentiment de plaisir insupportable. Alors que ce sentiment, cette impression-là m'enveloppait, j'ai quitté mon corps, ou j'ai ressenti que je quittais mon corps, nous dit-elle en anglais, c'est un petit peu, je paraphrase ici. Plusieurs femmes disent avoir vécu des expériences similaires à ça. Penses-tu qu'ils ont tous vu des ovnis après eux autres? Je me le demande. Des probes anales et tout. Je sais pas trop. Temporairement, ils sont entrés dans un endroit spirituel en orgasmant avant d'être ramenés dans mon corps par la suite. On n'est pas sûr de croire à ça. C'est un petit peu du gris-gris. Hein? Ah. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le sujet. Oui, avec quoi? sur le sujet de pourquoi? Est-ce que Porc-épic, pourquoi est-ce que les hommes trouvent les seins attirants? Ah, pourquoi? Est-ce que tu veux, Jean-Philippe, t'aventurer sur pourquoi est-ce que les hommes trouvent ça attirant? Ben là, parce que c'est hot, là, c'est beau, c'est doux. C'était la réponse c'est que rond, je cherchais. C'est chaud. Il y en a d'autres, Il y en a des tonnes de parce raisons. Parce que tu peux faire... Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il a vraiment fait ça entre ses propres seins. Donc, donc les scientifiques débattent par rapport à l'attirance sexuelle envers les seins. Le zoologiste britannique Desmond Morris a comme théorie que la poitrine, en fait, la craque des seins, ce qu'on appelle en anglais le cleavage, ressemble à ce qu'on appelle le cleft, donc c'est-à-dire la craque de fesses. OK, mais pourquoi on serait attiré par les fesses? Pour copuler, j'imagine, entre les seins, je sais pas. Entre les seins, entre les draps, entre les fesses, etc. Je sais pas, j'imagine que t'es attiré par les fesses chez la femme pour ces besoins de reproduction-là, qui sont comme l'autre bord en avant, qui sont dans le même coin, puis là, ben les seins sont similaires à... tel que vu à la télé. Après minuit, à TQS dans le temps. Non, on n'en voyait pas de seins. Non, c'était soft. C'était du softcore, ça. On voyait juste du poids. On n'a pas les mêmes sources. Il n'y avait pas encore Red Porn Tube dans ce temps-là non plus. Non. Bref, avoir un fessier rond, c'est unique aux humains. Les autres primates, généralement, ont des fesses plus plates un petit peu. Les psychologues, ce qu'on appelle Evolutionary Psychologists, notent que les femmes ont des seins qui sont toujours gonflés par rapport aux autres primates qui vont seulement avoir des gros seins lors de leur période d'ovulation. Mm-hmm. Donc, ils croient que ça permet aux femelles, aux femmes, de solliciter l'attention des mâles, même si elles sont pas fertiles à ce moment-là. C'est bon, ça? L'obsession que les hommes hétérosexuels ont envers les seins existe depuis des milliers d'années, par contre, mais c'est pas tous les hommes qui trouvent les seins sexuellement attirants. Et à cause de ça, plusieurs scientifiques croient que l'attirance envers les seins est en fait un fétiche. Ça, c'est intéressant que ce serait un fétiche d'aimer les seins, vu que c'est pas tout le monde qui aime ça. On comprend? Ouais, mais il me semble que c'est la majorité des hommes. Ben, c'est un fétiche répandu, mais si c'était pas un fétiche et que c'était inné, tous les hommes sans exception, j'imagine, aimeraient les seins, peut-être, non? Je sais pas, là, j'y vais avec la théorie des psychologistes évolutionnaires. Je sais pas. Ouais. Dans les années 20, on a parlé tantôt de ça un petit peu, les femmes avaient particulièrement les seins petits parce que les hommes aimaient les petits seins, donc on reculait les seins, on les aplatissait. En 1964, un réalisateur de film nommé Russ Meyer, Meyer comme les saucisses, j'imagine, Russ Meyer, oui, a commencé à produire des films où on montrait des femmes avec des gros seins. Et ça a commencé donc l'utilisation des femmes à gros seins dans les films comme on les voit aujourd'hui. Des fois, ils engageaient même des femmes qui étaient dans leur premier trimestre de grossesse parce qu'elles avaient les plus gros seins. Ah! Intéressant! Savais-tu que c'est très bon, en fait, pour tout? Il n'y a que des avantages à avoir des relations sexuelles pendant les menstruations de la femme. Savais-tu ça? JP, évidemment. JP, ouais, non, c'est ça. Tu m'en sais à JP? Ouais. Non, j'ai eu ça. Et si on demandait à Stéphanie, mettons, imite-moi Stéphanie, qui est à dire une grosse voix grave. Hein? Il faut que tu imites Stéphanie, tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, on se comprend? Hey, là, c'est mêlant. Ouais, je sais, mais c'est pour le jeu. Ben là, c'est sûr que je connais ça. Moi, je sais tout, je suis tellement bonne. Ah, voilà! C'est exactement la phrase que je voulais que tu dises. J'aurais pu l'écrire, ça aurait été la même chose. Donc, la période de menstruation des deux femmes est une raison très commune pour laquelle deux partenaires ne vont pas avoir de relations sexuelles. S'attache les draps. On s'attache aux draps. S'attache les draps. Donc, malgré l'association culturelle avec le sexe pendant que les femmes sont dans leur période d'ovulation, donc la pratique est quand même complètement sécuritaire et bonne pour la santé. En fait, plusieurs femmes ont découvert qu'avoir des relations sexuelles pendant un cycle menstruel va aider à soulager les douleurs des crampes. Et contrairement à la croyance populaire, c'est possible de tomber enceinte en ayant des relations pendant tes règles. Ben oui. C'est ça. Contrairement à la croyance populaire, par contre, c'est possible d'être enceinte. Ouais, ben quand je pensais que c'était ça, l'idée, non? Hein? Attends un peu, là, je suis toute mêlée, moi, là. Bon, là... On va mettre ça au clair. JP, tu connais ça? Oui. Le cycle régulier ouais. d'une femme est de 28 jours. Comme le mois de février, la plupart du temps, oui. Le cycle commence la première journée du début des règles. Okay? Donc, le 1er février, si on se met en contexte. Donc, admettons que le 1er février, OK? La fille tombe dans ses règles. La fille, elle commence à avoir ses règles. Oui. Ça, c'est le début du cycle. Oui. Bon, dans le cycle régulier, OK? Là, on parle du cycle moyen, c'est pas toutes les femmes que c'est comme ça, va ovuler 14 jours après le premier jour du début des règles. Donc, à Saint-Valentin, pour se mettre en contexte. Exactement. Donc, si le 1er février, tu tombes dans ta semaine, le 14 février à Saint-Valentin, tu vas ovuler. OK. Donc, normalement, si tu veux tomber enceinte à ce moment-là, il faut que tu aies des relations de 2 à 3 jours précédant l'ovulation et une journée suivant l'ovulation. La fin de semaine précédant la Saint-Valentin. Donc, ensuite... du 10 au 15, non-stop. OK. Mais ça, c'est le cycle régulier. Ben oui. Ça se peut que tu ovules un peu n'importe quand. C'est pas toutes les femmes que c'est régulier. Donc, même pendant les règles, tu peux quand même ovuler. Bon! Là, je comprends, là. Tu peux tomber enceinte n'importe quand, en fait. J'aurais jamais pensé que ce serait Jean-Philippe qui allait m'expliquer ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent. OK. Pour être une femme. Il, a ben, il fait bien ça. Il fait bien ça. Mais c'est parce qu'il s'est rasé le chest ce matin. Ça doit être ça. Là, je reviens Jean-Philippe. Des totons. Des ailes. OK, alors, je commence à dire des mots vulgaires. Avoir des relations sexuelles pendant le cycle menstruel donc peut être tabou, mais demande beaucoup de planification, surtout pour la propreté. On se comprend là-dessus, n'est-ce pas, JP? Ha, ha, ha. Et Stéphanie m'a dit aussi... Ah, man. Oui. Que c'était le meilleur lubrifiant. Non, pour vrai. OK. Meilleur que de la sauce Red Hot? Frick-a-flug dans le barbecue. Celebration barbecue good time. Come on! It's a barbecue time. Oh, Steph, attends, tu vois bien que ça marche pas. Il y a une condition médicale qui fait qu'une femme va passer des crottes par son engin féminin du devant. Ah oui, ça m'écœure. Si j'étais une fille, ça m'écœurerait tellement. C'est vraiment un fait que j'avais hâte de faire, en fait. Ça s'appelle Rectovaginal Fistula. Ça me rappelle le nom d'un groupe qui est passé aux soirées cachées récemment. Elliot Maginot. Fluide vaginaux, comment on appelle ça? C'est fistula rectovaginale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Fistula rectovaginale. C'est le nom de la condition. Oh my God. C'est donc une connexion anormale entre le rectum et le vagin. Si la connexion devient assez large, ça peut faire que des besoins et des flatulences vont s'échapper à travers l'engin féminin du devant. La cause principale, dans le fond, ce qui mène à ça, c'est des complications à la naissance. Donc, ça dit « birth complications », donc je crois que c'est lorsque tu accouches et non pas lorsque toi, tu es né. Ouais, non, c'est ça. C'est ce que j'en crois. Sinon, un docteur qui a travaillé de façon inadéquate, donc qui aurait mal fistulé son enfant, pour utiliser le mot. Donc, ça peut aussi être un symptôme de différentes maladies. Comme certaines infections, et ça peut aussi être donc comme un peu comme on l'a dit déjà, donc le résultat d'une chirurgie ratée. Donc peut-être dans ces coins-là de par le milieu. Hey, pour vrai, ça doit pas être cool, puis c'est tellement dangereux pour les infections. Non, c'est pas du tout le fun, mais quand même, c'est bon à savoir quand on se renseigne dans la vie. C'est la raison d'être de Kinky Sexy Time. Mais on termine avec un dernier, le temps file, une actrice de film porno qui porte le nom de Houston et passée par le Howard Stern Show en 1999 pour expliquer qu'elle avait fait... Quand même, j'ai oublié de chercher le nom. Jean-Philippe, tu m'as aidé, t'es un professionnel dans les termes. Labia, qu'est-ce que c'est déjà? Les lèvres? Les lèvres, je crois que c'est exactement ça, en fait. Pour lui donner un meilleur look down there, donc elle s'est fait un petit peu chirurgicalement modifier les lèvres inférieures, voilà. Donc après avoir vécu cette procédure chirurgicale, Houston a posté les restants de ses lèvres, donc vraiment, oui, les restants, en ligne, en enchère. À l'ultime, à la fin, ça s'est vendu pour $50,000 à un acheteur anonyme. Son film le plus connu à Madame Houston est évidemment le Houston, classique... Houston, on a un problème. Exactement, Houston, non, c'est pas vrai du tout. Ça aurait pu être ça. Non, en fait, c'est The World's Biggest Gangbang 3, The Houston 620. Où elle avait des relations avec 620 hommes de suite sans aucune interruption. Et c'est elle, et c'est sorti en 1999 aussi. Ben, y a bien des choses qui sont sorties en 1999, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la chirurgie, j'imagine qu'elle s'en a refait faire un autre après, là. Ben, je crois que c'était peut-être pour les rapetisser, juste pour les rendre plus belles, pour les rendre plus attirantes. Non, mais c'est parce qu'après, elle devait se sentir bizarre. Je sais pas. Pas, elle devait se sentir bizarre, mais elle devait se sentir bizarre. Bon, un peu ça les deux, sentir finalement. Bizarre. Ça devait sentir bizarre. Après 620 relations sans arrêt. Ah, ça m'écœure. Donc voilà pour Kinky Sexy Time. On fait ça les mardis. Et c'est même à l'assemblage requis. Faut pas être dédaigneux, hein. Les gars non plus, hein. Faut pas être dédaigneux. Je trouve que ça finit mieux avec ça que l'autre d'avant. Le comme caca? Comme fait, ouais, c'est... Ben, tu vois. J'appuie sur un bouton comme pour faire quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas un bouton qui est utilisé ici. Je voulais qu'on change de sujet. C'est le bouton pour changer de sujet. OK. Donc, c'est tout pour Kinky Sexy Time. On se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est Alexandra Carignan. Oui! Et sa très, très bonne chronique, Le temps d'une culture. Mais juste avant ça, voici Charlie Foxtrot et leur extrait du palmarès francophone, La mémoire courte. s'en penser. JP connaît tellement ça, JP, salut. Tu connais tellement ça, les trucs de filles, tu sais, évidemment, on dirait que tu as étudié là-dedans, on dirait que tu as fait une thèse. Ce qui serait un très bon nom pour une maison d'hébergement pour femmes enceintes, tu appelles ça parenthèse. Parce qu'on t'accueille pendant une certaine durée. C'est pas pire, hein, je vais leur suggérer ça. Sûrement que ça existe déjà, en fait. Peut-être. Je vais faire mes recherches. Parfait, et on revient dans deux minutes. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. JP, t'as trouvé quelque chose qui va un petit peu me déprimer. Là, on vient de faire une très bonne blague, là, mais ça tombe à plat un peu. Ben oui, tu parlais de que la parenthèse. Ça pouvait être quoi, la parenthèse? Un très bon nouveau nom pour peut-être une maison d'accueil pour femmes enceintes, parce qu'on les accueille pendant une période temporaire. Ça. Ben, j'ai tapé maison, parenthèse. Ça m'a sorti de la maison de la famille, la parenthèse, à Repentigny. L'art d'être parent au quotidien. Ah, je suis sûr que c'est nouveau puis qu'ils viennent d'avoir l'idée puis ils ont ouvert aujourd'hui parce que je viens juste de faire le jeu de mots en onde, c'est ça? Ben non, auprès des familles depuis 25 ans. Mais maudite merde. Je vais pas te décevoir, mais t'es 25 ans en retard. Caroline, maudite fistula vaginaux. Take a ride! Hey, je peux-tu cocher français avec son accent? D'après moi, ça rentre dans le franco. Ben, coche puis marque à côté accent français. Okay. Parfait. Not I'm out of control after a fast goodbye. Can you feel my pain? You tickle just once, two, four. I'm not strong enough to cope with loneliness. Survive, need to stop this merry-go-round. And I try, in vain, but I try to forget you. Oh my love, can you teach me how to shut my pain? Can you help? Is it too late to start over again? Jobin et Take a Ride, une autre chanson qu'on dédie à Stéphanie Paradis qui nous écoute toujours de chez elle les jours où c'est Jean-Philippe qui anime, n'est-ce pas, JP? Ben oui, c'est tout le temps. Tout autant le temps. Que moi, j'écoute quand c'est elle qui anime. C'est OK, oui, je comprends. Oui. Faut que je me remette ça dans l'ordre dans ma tête. Parce que je suis Jean-Philippe. Parce que c'est Jean-Philippe Chabonneau, bien sûr, on va le dire. On le dit tous les jours, en fait, cette semaine. C'est juste une semaine complètement normale. Où t'as Jean-Philippe Charbonneau les lundis et mardis et Stéphanie Paradis les mercredis et jeudis, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui a changé du tout, du tout. Si quelque chose a changé, c'est sûrement votre radio qui doit être un petit peu sur les fréquences, peut-être ajuster le treble et le brightness, non ça c'est sur une TV je pense, la luminosité sur votre radio. Ajuster le treble, tu es en train de me dire que tu me trouves très belle? C'est très belle, c'est très très belle. JP. Oui. JP. Ben oui. Une belle JP. Bébête, JP. JP. On dirait, JP, tu m'as dit l'autre fois que tu dans la chanson des PPC de JP, t'avais l'impression qu'on disait Chippy. Ouais. Chippy. Juste pour ceux qui connaissent pas la chanson thème, là, mettons. En tout cas, elle est pas mal brillante, la personne qui écrit cette tune-là. Stéphanie Paradis, mais oui. Ah, ouais. Et Mathieu Planck chante dessus, puis il fait les petits bruits de. Ça sent loin. Il aime les ailes barbecue. Miam, miam, miam, miam, JP, JP, il porte des jogging boots. C'est même pas vrai, je t'habillais propre. Ben oui, dans mes classes. JP, JP, il n'est jamais marabout. Mais. Elle finit plus la chanson. Mais. JP, JP. Et son petit goût aigre doux. Oh, et là, faut que j'arrête ça avant que ça joue. Mais non, on commence pas. Oh, ça, c'est JP qui se lèche le bras. Ben, ça, c'est aigre doux. Ah! Là, on est un petit peu agace parce que ça, c'est le début de la prochaine chronique qui va jouer jeudi matin à son AGP. J'ai tellement hâte de savoir ce que j'ai fait. C'est une très bonne chronique, vous allez l'entendre jeudi. Après ça, il nous en reste que quelques-unes d'ici la fin de la session. Il n'en reste pas beaucoup. Oui, il va falloir que j'aide des activités. C'est ça, que tu sois un petit peu plus productif, JP. Travaille plus encore pendant qu'on écoute Ça pue de Pépé et sa guitare. Ça pue les ailes de poulet, je crois. Ouais, ça sent bon, les ailes de poulet. Ouais. OK. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents. T'as beau te passer la soie. C'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi j'fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. commentaires méchants. Ton potinage, pour moi, c'est du vent. Un vent mauvais. Coupe tout le monde, tu cries pour rien, y'a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Non mais réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue, dis-moi quand t'es rendu. Mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, fais quelque chose. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Pépé, sa guitare. Ça pue quand tu parles. Ferme ta gueule. JP et son ukulélé. JP et son ukulélé serait bon. Oui, un petit groupe de musique qui pourrait se recycler en musique, n'est-ce pas, JP? Un petit groupe de musique qui pourrait se recycler en musique. C'est comme si ma phrase se tenait pas. Tiens, ce qui nous amène à faire une petite liste, hein, comme on écrirait des paroles d'une chanson, dans l'ordre des couplets et refrains. Voici son foutu palmarès et sa plus longue chanson thème ever. Hey, que je te vois faire du lip-sync sur cette chanson-là en me pointant du doigt comme si c'était moi qui t'emmerdais. C'est JP, ça t'apprend. Ouais, mais admettons que c'est le message là, que je veux te passer. C'est très subtil comme message, hein, je trouve. Très subtil. Donc, c'est évidemment son foutu palmarès. On vous présente une liste par rapport à un sujet. Et aujourd'hui, c'est particulièrement anodin, inutile, mais ça remplit très bien un trou. Est-ce que t'es déjà allé à une bibliothèque remporter des livres? Oui. Est-ce que tu les as déjà ramenés en retard? Oui. De combien de jours est le max, mettons, que tu as réussi à accomplir? Étant donné que je suis très insécure, puis que j'angoisse, puis j'ai l'impression que les gens de la bibliothèque vont me détester, je dirais 4-5 jours. C'est la normale, 2, 3, 4, 5 jours. En dedans d'une semaine, je dirais de retard, oh, c'est quand même... c'est le maximum. C'est normal. Eh bien, on a un livre, en fait, une liste de livres qui ont été empruntés et ramenés beaucoup trop tard dans la vie. Commençons par The Versatile Grain and the Elegant Bean, a celebration of the world's most healthful foods par Cheryl et Mel London. Le grain versatile et la fève élégante, une célébration des nourritures les plus santé du monde, voilà. Qui a été loué de la bibliothèque Lawrence Public Library à Lawrence au Kansas, 21 ans de retard. 21 ans? Ouais, donc quelqu'un a ramené ce livre-là, très très santé. Livre de cuisine qui était manquant à la bibliothèque depuis le 24 septembre 1992. Le livre a été publié ce mois d'avril-là, en 1992. Contient plus de 300 recettes. Et on pourrait dire que sûrement que la personne qui l'avait emprunté a eu le temps de toutes les essayer. Ben, mais hein? Mais je me demande, qu'est-ce qui motive une personne à ramener son livre 21 ans plus tard? J'imagine que tu te sens coupable de quelque chose. 21 ans, t'as eu le temps de passer par bien des étapes, puis le remords, il est plus là, là. J'avoue. Je sais pas si tu l'as oublié dans une boîte, puis là, tu le vois, tu fais comme, non, j'ai pas fait ma job, là, je me sens mal, sûrement qu'il me cherche. Tu ne veux pas attendre d'avoir une lettre par la poste qui dit que tu dois quelques milliers de dollars, tu veux ramener le plus vite possible. Bon, 21 ans plus tard, oublie ça, ils ont arrêté de te chercher pour un livre. Ça va leur coûter plus cher des détectives privés que le livre a coûté. Tellement. Deuxièmement, je crois, je sais pas si c'est le même à toutes les bibliothèques, mais je pense qu'il y a un montant maximal que tu peux payer, non? Ah, je sais pas, j'aimerais ça savoir ça. Mais je sais qu'à la bibliothèque de l'université, il y a un montant maximum. OK. Mais c'est sûrement comme ça partout, parce que sinon, tu fais comme, gars, je vais te racheter le livre, puis ben on oui. les quitte. Au club vidéo, tu brises la cassette, tu payes le prix de la cassette. De la cassette, c'est une Ça fait longtemps que t'as pas loué un film. Ça fait longtemps que tout le monde a loué un film dans vie, non? Non, pas tant que ça. Pour vrai? Non. OK, parce que je vois jamais personne quand je vais acheter un sac de popcorn parce qu'il est tellement bon chez Vidéotron. En passant, référence qu'on entendrait sûrement à d'autres émissions que la nôtre, genre à rock classique souvent, mais il y a un épisode de Seinfeld qui s'appelle The Library, c'est le 22e épisode de la série, diffusé en 1991, qui parle justement d'un livre de bibliothèque qui a pas été remis, et c'est vraiment très très bon. C'est le 4e épisode de la 3e saison pour ceux qui cherchent. Ensuite, parlons de The Real Book About Snakes par Jane Sherman, le vrai livre des serpents. Loué à la bibliothèque Champaign. Pas pareil. Hein? County Library à Urbana, en Ohio. 41 ans de retard. 41 ans. Comme le précédent livre, la personne a refusé de révéler son nom, mais quand même, on ne doutera pas de son honnêteté parce qu'il a laissé une note, je cite, « Désolé d'avoir gardé ce livre aussi longtemps, mais je lis très lentement. J'ai laissé dans l'enveloppe mon prix, donc ma facture de 299,30 $, 41 ans à 2 cents par jour. » 2 cents par jour de retard. À l'époque, j'imagine, je sais pas si avec l'inflation. Ben non, mais déjà, il a vraiment donné... 299,30 $. Il aurait-tu acheté le livre il y a 41 ans? Tellement. C'est un livre de serpent, c'est cute. Voyons donc. Ah. Ensuite, Days and Deeds, a book of verse for children's reading and speaking, compilé par Burton et Elizabeth Stevenson. Donc, Days and Deeds, des jours et des deeds, c'est a good deed, comme une bonne action. Un livre de verse, c'est des affaires de Bible, ça, je pense. Les vers, les versets. Versets de la Bible pour la lecture des enfants et pour le discours, le parler des enfants. Bref, si on veut, j'essaie de traduire à la volée. C'était emprunté il y a un certain moment à la Kennewee Public Library à Kewanee, dans l'Illinois, 47 ans de retard. Wow. Selon le livre des records Guinness, le prix de $345,14 payé par la personne qui a emprunté cette compilation lyrique est le plus gros frais de bibliothèque qui a jamais été payé dans la vie. Aïe, aïe. $345,14. Ensuite, The Fire of Francis Xavier par Arthur R. McGratty, donc le feu de Francis Xavier, loué à la New York Public Library, Fort Washington Branch, donc la branche au Fort Washington à New York City, 55 ans de retard. Ouais. Qui a été renvoyé par la poste de façon discrète l'année passée. Le coupable n'a jamais été amené à sa juste justice. Jamais. Ensuite, The Adventures of Pinocchio par Carlo Collodi. On connaît les aventures de Pinocchio, Pinocchio, selon certains gens qui le prononcent drôlement. Donc, à la bibliothèque Rugby Library de Warwick, en Angleterre. 63 ans de retard. Donc, qui a retrouvé son chemin après ce qu'on appelle, attention, une période d'amnistie de la facture du prix à payer. Donc, c'est ça. Ça a causé une contravention de 4000 livres. Par la personne coupable de ce grand crime. Mais donc, ouais. Les bibliothèques ont changé depuis les années 50, nous dit la libraire Joanna Girdle, mais quand même, c'est ça, il a dû payer pour ce livre-là. En Angleterre, c'est pas pareil comme ici, c'est bizarre. Hein? 4000 livres. Mais non, on s'entend ici, si tu ramènes ton livre en retard, si tu retournes jamais emprunter le livre, jamais ils vont t'envoyer cette facture. Là. Les enfants prenaient ça en note. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'ai déjà oublié un livre. J'étais allée le reporter, puis la bibliothèque était fermée. Mais ça m'a pris comme un an et demi avant d'y retourner. J'étais allée emprunter un livre. Je dis, vous devez 50 cents. Ah ouais? OK. Ouais. Ça faisait comme un an et demi. Sais-tu quoi? J'ai été chercher un petit peu pendant que tu parlais. Je t'écoutais aussi, évidemment. Merci. Bien sûr. Mais c'était important. Donc, c'est pour ça que je suis quand même allé faire un petit peu de recherche, deux petites secondes. Il y avait une période de 8 jours, il y a quelques temps. C'était, en tout cas, je dirais pas il y a quelques temps, mais peut-être il y a quelques années. C'était ce qu'on appelle une « fines amnesty period », une période d'amnistie. De la contravention pendant 8 jours. Donc, la bibliothèque disait pendant ces 8 jours-là, vous nous ramenez n'importe quel livre, peu importe combien de temps ça fait que vous l'avez, et vous n'aurez pas à payer. Donc, il n'y a pas eu à payer la pénalité de 4000 livres. C'est la petite nuance que je voulais apporter. D'accord. Qui était importante. Je pense que j'ai déjà vu ça justement à la bibliothèque de l'université. Je pense que c'était frais réduits. Ah, tu vois, frais réduit, là, il n'y en avait juste pas. Fait que c'est encore c'est plus, cool, plus ouais, tentant. C'est cool. Mais voilà. Donc, le prochain livre, c'est The Picture of Dorian Gray par Oscar Wilde, emprunté à la Chicago Public Library à Chicago, en Illinois, qui a été en retard de 78 ans. C'est donc Mme Arlene Hoffman Vision qui a trouvé une édition rare de ce roman-là parmi les effets personnels de sa mère décédée et a promis qu'elle allait arranger les choses. Elle n'arrêtait pas de dire « Mais là, est-ce que vous allez m'arrêter? Vous n'allez pas m'arrêter, j'espère? » Donc, c'est ce qu'elle demandait. Et non, en fait, la bibliothèque a répondu « Non, on est juste bien content que tu nous ramènes le livre. » Donc, il n'y a pas eu de poursuite au rien. Ben, c'est cool. Ils sont quand même fins, hein? Pas pire, je trouve, en Illinois particulièrement. ensuite, c'est The Master of... c'est Master of Man par E. Phillips Oppenheim. Tu sais, les gens qui ont un prénom avec une initiale, c'est toujours les plus fendants. E. Phillips Oppenheim. C'est vrai. C'est l'initiale dans le deuxième nom, ça va, mais l'initiale avant même de débuter ton nom, je trouve ça un petit peu prétentieux. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, c'était loué à la Leicester County Library, à Leicester ou Leicester, en tout cas, en Angleterre. 79 ans de retard. Donc, Oppenheim, blablabla. Celui-là est encore plus dur à traduire que les autres, on dirait. Oui, c'est ça, c'est Oppenheim. Il est né dans la région autour de cette bibliothèque-là. Donc, le Leicestershire County Council. Et j'étais très heureux de retrouver ce livre-là après l'avoir trouvé dans une maison du coin. Même si la branche de la bibliothèque avait dû fermer quelques décennies plus tôt, ils ont quand même retrouvé le livre. Voilà. Il n'y avait plus de place pour le mettre. Plus de place. Fait qu'ils ont servi au vidange. Exact. Je sais pas. Je sais pas. Sûrement envoyer le livre. Il aurait pu le laisser au gars. J'imagine. le prochain, c'est Facts I Ought to Know About the Government of My Country par William H. Bartlett. Donc, des faits que je devrais connaître au sujet de mon gouvernement, du gouvernement de mon pays, voilà. Par William Bartlett. On reste tous des livres plats. Hey, les titres sont ben trop longs. Emprunté à la New Bedford Public Library du Massachusetts après 99 ans. C'est de retour maintenant. Wow. Donc, Stanley Dudek. De Mansfield, au Massachusetts, disait que sa mère, une immigrante polonaise, avait décidé de se renseigner sur la politique américaine avant de, en empruntant ce volume-là de cette bibliothèque-là en 1910. Donc, pour une personne qui essaie de devenir citoyenne, c'était le livre parfait pour elle. C'est pour ça qu'elle avait emprunté et qu'elle a ramené seulement 99 ans plus tard. Est-ce qu'elle était devenue une bonne citoyenne? Sûrement. Sûrement 99 ans, étudie ton livre. Tu lis une fois par mois, une fois par année, je sais pas trop quoi, puis t'es au courant. Le prochain, il a l'air tout le temps aussi plate que les autres. Insectivorous Plants, plantes insectivores par Charles Darwin. Ben là, ça a l'air bon, ça. Je trouve, peut-être. Mais oui, c'est Darwin, man. Non, mais ça parle d'insectes. Mais puis, c'est l'évolution des insectes, c'est passionnant, non? Toi, t'as raison, Darwin, il est quand même fort. Donc, emprunté à la Camden School of Arts Landing Library à Sydney, en Australie. 122 ans de retard. Wow. Méchant petit congé entre deux visites à la bibliothèque. Donc, une copie australienne du traité de Darwin sur la flore, voilà, qui mange des insectes. Donc, les plantes qui mangent des insectes. Quoi, t'as-tu froid? La flore? Un foulard? Ah, j'ai fait cette blague-là. Un foulard? Ouais, tu te rappelles? Je l'ai déjà fait avec toi, JP. Je suis tellement fan de ce gag. C'est un de mes meilleurs. Je trouve ça fort. Flore. Donc, elle a été empruntée en 1889, après deux guerres mondiales. Évidemment, Neil Armstrong, sa lune, la naissance d'Internet et tout ça. Donc, on l'a ramené le 22 juillet 2011. Il nous en reste le dernier, on va finir là-dessus. The Ancient History of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians and Grecians, Volume 2. J'ai compris Ballonné puis Macédoine. Par Charles Rowland. Donc, c'est l'histoire ancienne des Égyptiens, Carthaginiens, Assyriens, Babyloniens. Je connais absolument rien ces mots-là. Mais Volume 2. C'est important. Les plus grands hits. Par Charles Rowland, Rowland in the Grave. Donc, emprunté à la Grace Doherty Library de Danville, au Kentucky, 150 ans environ. Donc, le tome a été découvert l'année dernière dans une école pour les sourds où le livre était présumément caché depuis 1854. Ça, on a déduit ça par une note écrite à l'intérieur qui datait. Donc, grand travail de détective ici, la petite carte de bibliothèque. Donc, la bibliothèque n'a aucun dossier de cette période-là. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps ça. Peut-être qu'il y a eu d'autres emprunts après ça de d'autres personnes, mais bon. Donc, le libraire Stan Campbell a dit qu'il n'est plus dans la bibliothèque depuis minimum 150 ans. Et un dernier volume, c'est The Law of Nations par Emmerich D. Vattel, emprunté à la New York Society Library de New York depuis 221 ans. Mais voyons donc. Wow! Cinq mois après le début de son premier terme présidentiel, George Washington a emprunté ce manifeste légal sur l'histoire de l'historique New York Society Library. Donc, pendant les 221 années qui ont suivi, il est resté dans sa maison de Virginie La bibliothèque se demandait s'ils allaient le revoir. Ils disaient qu'ils ne cherchaient pas particulièrement ce film-là. Ils voulaient pas avoir l'argent. De toute façon, ça leur dérangeait pas. J'imagine parce que c'était George Washington qui l'a loué. C'est donc un président pas fiable. Ouais, c'est ça. Il a dit, la bibliothèque a dit qu'on serait très heureux de voir ce livre nous revenir et son souhait est devenu une réalité quand l'équipe de Mount Vernon l'a finalement renvoyé en 2010. Par contre, ils ont évité les frais fantastiquement élevés de 300 000 $ que ça aurait coûté. C'est complètement ridicule. Je sais même pas comment tu peux te rendre à ça, même avec 221 années, avec 2 cents le jour, dépendant. Ouais, mais ça a dû monter, on s'entend. Si tu comptes, ouais, chaque modification du prix, quelqu'un a compté et tombé sur 300 000 $. Imagine la job que ça a dû lui prendre pour faire les recherches sur le prix à chaque année. Aïe, aïe. Voilà donc pour son foutu palmarès sur le top 11. En fait, les livres de bibliothèque ramenés un petit peu en retard, à peine. Hein. Ben, je suis pas si pire, finalement. Ton 4-5 jours, là, ben raisonnable. Mais déjà, d'être en retard, ça me scandalise. Dis-toi que t'es meilleur que George Washington. Hey, tout le temps en vie. Ça, tout le temps. Cool. Voilà, donc on fait son foutu palmarès une fois de temps en temps à Assemblage Requis. Et nous, ben, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On remercie les participants des élections de la GEQTR qui sont les seuls à s'être présentés aujourd'hui. Donc, Alex Brisebois-Proux, Audrey Cloutier et Christian Junior Baudon. On vous rappelle d'aller voter aujourd'hui, demain et jeudi jusqu'à 23h45 sur le portail étudiant. Visitez EQTR.ca, cliquez sur portail, entrez votre nom, mot de passe et vous allez avoir un beau petit carré élection à GEQTR. Si tout est là. C'est super important, là. En effet, ils comptent sur vous et pour avoir un bon taux de participation. Ça prend une minute. Même pas. Ouais, si tu sais pour qui voter, là, 10 secondes, c'est fait. De toute façon, t'écoutes Assemblage Requis le matin en prenant tes petits Lucky Charms mélangés avec d'autres affaires plus santé. Non, des Lucky Charms. C'est pas mal de Lucky Charms dans mon cas. Écoutez Assemblage Requis. À tous les jours, on parle avec les candidats aux élections de la GEQTR. Allez voter aujourd'hui, demain et jeudi jusqu'à 23h45. Voilà. C'est un ordre. Merci beaucoup, Stéphane. Un ordre de taux. Ça, c'est drôle. JP, bravo. Une autre belle blague pour terminer l'émission. Papi? Qui se serait attendu à autant de bonnes blagues de ta part aujourd'hui? Des toasts beurrés de la sauce buffalo! Ok, tu vas trop loin. Donc, restez sur nos ordres. Gratiné avec des guimauves! Blou. Demain, à l'émission, on va avoir les chroniques, évidemment, d'Alexandrine Pichessir, qui va être de retour avec son segment La crème de la crème. Ensuite, on va avoir Cindy Gilbert, qui va venir nous dire comment nous sentir bien dans notre peau avec Activez votre santé. Et Stéphanie Paradis, parce que c'est Stéphanie qui anime le jeudi et le mercredi, le jeudi, voilà. Ben oui. Elle va nous faire la chronique Zone Campus demain. Oui. C'est très important. Ça sort aujourd'hui en kiosque. Partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Donc, c'est l'émission de demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Plus tard sur nos ondes, le dîner de cons s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, rock classique avec Alain Lefebvre. On va commencer un petit peu plus tard parce qu'on couvre les élections, le débat des élections provinciales à la Chasse-Galerie, organisée par la GE et techniquement organisée aussi par C'est fou. Par le processus qui a lieu. Donc, c'est à 13h. Ensuite, Rock Classique suivra juste après la diffusion du débat. Et à 19h, ce sera Réanimation avec du métal et de l'horreur. Mais dans quelques instants, dans moins de 25 minutes, ce sera Les Malhonnêtes, l'émission d'affaires publiques avec Michael Magny et PC Falardeau. Voilà. Et si jamais vous voulez votre copie du Zone Campus, moi, Jean-Philippe Charbonneau, je vous l'offre en main propre cet après-midi. Vous avez juste à passer à mon bureau. Et je vous fais une dédicace. Donc, passez au bureau de Jean-Philippe Charbonneau pour une dédicace du Zone Campus. C'est le 1006, juste à côté de la Chasse-Galerie, à la droite, au fond du corridor. À droite encore. Juste avant la porte de sortie. Exactement. C'est juste là. Jean-Philippe Charbonneau va vous accueillir comme il sait si bien le faire. Voilà. Exactement. Bye, JP. Bon restant de semaine et aux autres. À demain. Bye, bye. Salut, Mathieu.